chevaux des villas, de par-dessus une tracabano. Disent à nous chaussée des chis, ou chaussée d'une autre vialade, prigna garde de notre chi. Je suis un ange descendu des cieux, qui suis venu en ces lieux vous annoncer une nouvelle. À Bethléem, Jésus est né, et il est né dans une étable. Venez tous pour l'adorer. Au sénance des saints du dos chaud, ouais, Dieu du fer, un brave saut, vous a fordu, il a bravé de salon. Ben, quand vous l'éton arrêt monta, vous un faudra bien autre plus brave, prigna garde de pas tomber. Pauvre berger, que tu es ignorant, et ce n'est pas un compliment pour un berger de ton village. Je vais plus vite que le vent, je suis plus prompt que le tonnerre, je vais au ciel en un instant. Et creuse qu'au se vent abîme petit trône, j'ai pris un modus sur mon bras, vous infaillable, passez na bravo, pas courir, coûte pas le pareil, pareil à blader compassado, y arriba yo, bel promas.